Et c'est avec moi, regarde l'avenir et puis tu ne t'enfuis pas. Ne sois pas impulsif, je te le dis. Pourquoi vivre à la dérive? Ça ne te retient pas, mais c'est avec moi, regarde l'avenir et puis tu ne t'enfuis pas. Ne sois pas impulsif, je te le dis. Pourquoi vivre à la dérive? Je peux croire en cette histoire, malgré le brouillard dans ton esprit. J'ai pas d'espoir, tu t'obstines à ramer contre le courant. Je sais que pour toi c'est trop dur, et pourtant je veux trouver sens. Pas des mots de te rendre accro, que tu ne vis surtout pas dans les faux. Dans tes yeux je suis un échec, cette douleur en toi qui me guette. Ton bonheur est trop loin de moi, pour moi ça me suffit pas. Je suis pas, ne te retiens pas, mais fais avec moi. Regarde l'avenir et puis tu ne t'enfuis pas. Ne sois pas impulsif, je te le dis. Pourquoi vivre à la dérive? Ne te retiens pas, mais fais avec moi. Regarde l'avenir et puis tu ne t'enfuis pas. Ne sois pas impulsif, je te le dis. Pourquoi vivre à la dérive? Mes mots futiles ne changeront rien. Tu gardes tes envies entre tes mains. Et tes rêves sourire, il est là mon plaisir. Là t'es en train de partir, c'est ce qui me fait souffrir. Je mets du temps à négocier, à vouloir te faire aimer. À te faire comprendre, en cas de on y arriverait. Ton bonheur est trop loin de moi, pour moi ça me suffit. Ne fuis pas, ne te retiens pas, mais fais avec moi. Regarde l'avenir et puis tu ne t'enfuis pas. Ne sois pas impulsif, je te le dis. Pourquoi vivre à la dérive? Ne fuis pas, ne te retiens pas, mais fais avec moi. Regarde l'avenir et puis tu ne t'enfuis pas. Ne sois pas impulsif, je te le dis. Pourquoi vivre à la dérive? Ce sont tes choix, je les respecte. N'oublie jamais ce que je t'ai dit. Ah, ah, c'est que je t'ai promis une vie paisible et sans soucis.